Attention, message personnel, panique au Mangin Palace. Je répète, panique au Mangin Palace. Ha ha, nous revoilà. C'est donc la panique en direct du Mangin Palace, épisode 62. Bienvenue à toi dans ce monde archi-loufoque et total foutraque où l'élégance se mélange au n'importe nawak, le tout dans une farandole de volutes sonores orchestrée par une bande de doudingues. La machine est prête et, a priori, nous serions ce matin, le dimanche 21 janvier 2007, 11h06. Bonjour à toi, l'ami. Cette semaine, dans Panique au Mangin Palace, tu es conduite à gauche sur Piccadilly Circus, tu es Pudding ou Fish and Chips, tu es l'amiral Nelson sur sa colonne, tu es Sherlock Holmes à Baker Street, tu es paumé dans le brouillard, et tu es aussi... C'est en l'honneur de votre gracieuse majesté, de son Altesse Royale le Prince Philippe, en l'honneur de sa majesté la Reine Mère, que je lève mon verre. Oui, tu l'auras compris, l'ami. Ce matin, tu es londonien. Alors, il y a quelques jours, la BBC nous a révélé qu'en 1956, le Premier ministre français, M. Guy Mollet, aurait proposé à son homologue britannique une fusion entre la France et l'Angleterre. Jesus. Ainsi, à l'heure où nous venons d'apprendre que nous aurions pu devenir anglais, la panique au Mangin Palace a donc décidé ce matin, pendant 53 minutes, d'explorer les bas-fonds de Londres, la métropole pop et punk. Donc, dans l'heure qui vient, nous allons tenter de te raconter une histoire illustrée mais toujours décalée au cœur de cette ville de Londres. Pour commencer, de Buckingham Palace au 10 Downing Street, il faut décortiquer ce qui constitue la grandeur de Londres. Ensuite, nous essaierons de saisir ce que peut être la vie d'un Français à London City. On enchaînera justement sur une petite surprise foutraque fabriquée par la panique qui te proposera de rencontrer quelques Français qui connaissent particulièrement bien cette métropole d'outre-Manche. Et puis, dans la foulée, nous te dévoilerons en exclusivité les coulisses de ce voyage top secret en Angleterre qu'ont effectué cette semaine Alain Juppé et Jean-Louis Debré. Et enfin, te raconter ce drôle de week-end londonien qu'ont vécu Monique et Jean-Claude il y a quelques jours à l'occasion des célèbres soldes britanniques. Une seule mission, tenter de chahuter tes zygomatiques. On est dimanche matin, on est bien et le décollage est imminent. Allez, c'est parti, c'est la panique au Mangin Palace, alors bien sûr, monte le son et let's go dancing. Woo! Satisfaction. En 1965, les Rolling Stones nous livrent depuis Londres un tube planétaire. Le groupe de Brian Jones, Mick Jagger et Keith Richards, créé 3 ans plus tôt, quitte ainsi le mythique Marquee Club d'Oxford Street pour hanter désormais les stades du monde entier. Grosse satisfaction. Alors, cette semaine, la panique au Mansion Palace a donc décidé de traverser la Manche pour aller rendre visite à nos amis et ennemis de toujours, à savoir les Anglais et plus particulièrement à leurs représentants de la capitale, les Londoniens. Parce que, dans le cadre de ce débat séculaire sur la supposée supériorité de l'Angleterre sur la France, la panique au Mansion Palace a cherché à savoir ce que Londres aurait de plus que Paris. Car en effet, en juillet 2005, ce débat a ardemment été relancé. France Inter. The International Olympic Committee has the honor of announcing that the Games of the 30th Olympiad in 2012 are awarded to the city of London. London, il était 13h49 à Paris quand la sentence est tombée comme un coup de tonnerre à des deux villes qui restaient en compétition pour recevoir les JO de 2012. C'est Londres que les membres du CIO ont donc choisi à Singapour. Paris éliminé, Paris désespéré, Paris même choqué. C'est trop injuste. Pourquoi Londres et pas Paris? C'est vrai, merde. Qu'est-ce qu'elle a de plus que la nôtre, leur capitale? Bon, tout d'abord, c'est vrai, Londres, c'est immense. Alors que la ville de Paris ne couvre que 105 km², le Grand Londres, c'est 1500 km². C'est énorme. Alors du coup, bien sûr, il leur faut une grosse cloche. Allô, Londres? Allô? Oui. Eh bien, Big Ben a été suspendu, accroché au sommet de la tour de Westminster, à 80 mètres au-dessus du sol, il y a à peu près 100 ans. Elle a été fondue dans une fonderie de Londres, à Whitechapel, et sur les registres de cette fonderie, on peut encore lire l'inscription suivante. Pour une cloche de 13 tonnes, 10 hundredweights, 3 quarters et 15 livres, j'ai pas fait les conversions, à 8 livres, 17 schelins et 4 pence, les 112 livres, égale 2401 livres, 16 schelins et 9 pence. Voilà le prix qu'a coûté Big Ben. Quant à son diamètre, il est de 9 pieds, et la cloche, la grosse cloche, a 7 pieds et demi de hauteur. Ah ben voilà, à force de refuser l'euro, t'en es réduit à payer en pound et en schlin. C'est pas malin ça. À leur décharge, les Londoniens sont fortiches pour manier la monnaie et Londres, c'est la seconde place financière au monde. Il faut dire qu'ils sont sacrément ingénieux, ces Londoniens. Une firme britannique lance sur le marché un réfrigérateur miniature qui, en période de canicule, peut s'adapter à l'intérieur des chapeaux. Plusieurs essais concluants ont été faits sur des gentlemen de la cité pour qui le melon est de rigueur même par les vagues de chaleur. On a dit que l'armée britannique s'intéressait à cette invention et qu'elle aurait l'intention d'adapter ses réfrigérateurs miniatures au bonnet à poil des gardes de la reine qui, par forte chaleur, ont une fâcheuse tendance à s'écrouler sur le terrain de parade. Eh bien, renseignement pris, il n'en est pas question. L'appareil risquerait de déclencher des crises d'éternuement du plus mauvais effet. Ici Londres, à vous Paris. Ici Paris, merci Londres. Il est vrai que pour les chapeaux, ils sont assez au point, les Londoniens. Les chapeaux melons des gentlemen de la City et les bonnets à poil des gardes de Buckingham côtoient les casques des Bobbies et les casquettes des supporters d'Arsenal ou de Chelsea. Et oui, un chapeau, c'est parfait quand tu dois faire un cadeau à une Londonienne pour son anniversaire, par exemple. Et si nous souhaitons ensemble aujourd'hui un bon anniversaire à la reine Élisabeth d'Angleterre, c'est parce qu'elle a dans son rôle exceptionnel beaucoup de dignité et que si elle est une souveraine à l'expression quelquefois un peu lasse, un peu sévère dans ses tâches officielles, nous aimons la voir détendue, souriante et tendre comme toutes les mamans lorsqu'elle est photographiée au milieu de ses enfants. Et vous savez que chaque année, au cours d'une grande soirée, elle se fait présenter les vedettes les plus en vue, les plus célèbres. Oui, c'est ce qu'on appelle la Royal Performance. Voilà. Et puis aussi, au mois d'octobre l'année dernière, elle a souri à 4 jeunes gens chevelus et pleins de talent en les faisant membres de l'ordre de l'Empire britannique. À chacun des Beatles, Paul, John, George et Ringo, elle a remis une médaille dont ils sont très fiers. 4 garçons dans le vent. Eh oui, 4 garçons pop dans le vent, c'était le début des boys bands. Car en effet, Londres peut aussi s'enorgueillir d'être une métropole mondialement connue pour la vitalité de sa production musicale. Excuse me sir, mais j'entends plus Big Ben qui sonne, des scarabées bourdonnent, c'est la folie à London et les chantait. Et les Beatles chantaient. Un truc qui me colle encore au cœur et au corps. It's been a hard day's life. And I've been working. Hard day's night, autrement dit, dure journée, nuit. Ça ne veut rien dire, les mecs. Car, pour la poésie, ce sont les Français les meilleurs, comme à Londres en juin 1944, par exemple. Mon général de Gaulle au téléphone, il demande pour le poème, qu'est-ce que je dis ? Vous lui dites pas de poème, vous voyez bien comme moi qu'il y a des grosses vagues, c'est retardé. Il demande s'il envoie des messages un peu codés pour leur faire comprendre que c'est retardé, qu'est-ce que je lui dis ? Si ça peut le détendre un peu, au moins il nous foutra la paix. Et je vois De Gaulle tout content. Il réveille pas le speaker de Radio Londres. Il balance lui-même les messages. Les carottes sont cuites. De l'autre côté, je vois les résistants français planqués dans des caves en Normandie derrière des tonneaux de Calva en train d'écouter De Gaulle sur Radio Londres. Les pommes de terre sont épluchées. Je répète, les pommes. Mais qu'est-ce que c'est que ce charabia ? Qu'est-ce qu'ils foutent à Londres ? Ils débarquent ou quoi ? Les navets sont bien lavés. Qu'est-ce que tu glandes, De Gaulle ? Attends, j'ai compris le message. Il est en train de faire un pot-au-feu. Un pot-au-feu, c'est toujours meilleur le lendemain. C'est retardé. Le pot-au-feu, c'est toujours meilleur le lendemain, alors que la jelly, là, ce n'est même pas bon le jour même. Ainsi donc, c'est De Gaulle qui aurait trouvé les vers de Verlaine annonçant aux résistants français l'imminence du débarquement. Mais oui, on te le dit. Pour la poésie et les vers, ce sont les Français les meilleurs. Même à la dernière déconne, je veux dédier ces quelques vers issus de mon dégoût des hommes et de leur morale guerrière. Car aucune femme sur la planète sera jamais plus con que son frère, ni plus fière, ni plus malhonnête, à part peut-être Madame Thatcher. La controversée et ultra-libérale Madame Thatcher laissa mourir de faim en prison l'Irlandais Bobby Sand et brisa les mineurs en grève. Lady Thatcher, qui se dit l'amie de Pinochet, devrait tout de même se méfier des dictateurs avec cette nouvelle mode londonienne à base de polonium-210 apporté par l'étrange Monsieur X. Contactez Monsieur X. Objectif et établir un plan d'action. Monsieur X. C'est ce que chante Mademoiselle Bless sur son album intitulé Because. Parce que God bless the Queen, bien entendu. Alors maintenant, après avoir survolé les différentes raisons qui nous expliquent pourquoi les Londoniens sont en général si fiers de leur ville, il est temps désormais, toujours en direct du Mangin Palace, de nous intéresser quelques minutes à ce que peut être la vie d'un Français à London City. Eh bien, quitter Clermont-Ferrand l'excentrique pour s'installer sous le soleil madrilène, je te dirais pourquoi pas. Renoncer aux folies strasbourgeoises pour apprécier la Dolce Vita romaine, je te redis pourquoi pas. Mais abandonner Paris, Marseille ou Bordeaux pour s'installer à Londres, alors là je te dis, ça va pas non. Eh oui, chez nous, c'est la frivolité de Jean-Marie Bigard. Là-bas, c'est la misère de Charles Dickens. Ici, c'est le rondouillard commissaire Maigret. Là-bas, c'est le cynique Sherlock Holmes. Ici, c'est le fou rire que nous offre le Paris Saint-Germain tous les week-ends. Là-bas, c'est l'arrogance triste du club de Chelsea qui fait la course en tête du championnat. Non mais vraiment, le tropisme londonien que développent certains d'entre nous m'échappe totalement. Et pourtant, malgré tout, donc, chaque année, va savoir pourquoi des centaines de Français vont s'installer outre-Manche. C'est incroyable, incredible. Londres compte aujourd'hui environ 40 000 ressortissants français. Cela dit, attention, bien souvent, lorsqu'un Français se rend à Londres pour la première fois, ce n'est franchement pas la destination qu'il aurait choisie lui-même, hein ? Souviens-toi. Ah bah, hein, en anglais, on n'a pas idée. Je suis pas doué pour les langues. Tu vas le devenir. Tu partiras en Angleterre pour un mois. Mais pas, j'avais fait des projets. Je m'en fous ! The next week, you'll be going to London, my boy. You understand ? Ah yes, father. C'est ainsi qu'à l'occasion d'un voyage linguistique non désiré, certains jeunes Français tombent sous les charmes de Londres. En général, après quelques semaines passées à London, le petit Français a fait des rencontres donc qui lui ont permis de progresser dans la langue de Shakespeare. When I have rencontred you, you was a jeune fille au père, and I put a spell on you, and you roll a bell to me. Together we go partout. On my mob, it was super. It was Friday on my mind. It was a story d'amour. It is not because you are, I love you, because I do. C'est pas parce que you are me, que I am you, que I am you. Mais bien sûr, parmi les Français de Londres, il n'y a pas que des lycéens en goguette. Depuis une quinzaine d'années, il existe également toute une communauté massive de trentenaires qui ont choisi de traverser la Manche pour s'en foutre plein les fouilles en travaillant sur la place boursière de Londres, la City. En général, ils vivent dans le quartier de Kensington. Ils s'y sont installés avec leurs femmes, qui se fréquentent d'entre elles et qui apprécient d'ailleurs de vivre à l'anglaise désormais. Ah mais ils m'emmènent souvent à des brunchs, tiens. Hier après-midi, on était encore à un brunch. Et alors ? Et alors le brunch, c'est anglais. Maurice aime beaucoup l'Angleterre. Mais enfin, si c'est l'après-midi, c'est pas un brunch. Pourquoi ? Écoute, Jacqueline, brunch, c'est la contraction de breakfast, petit-déjeuner. Lunch, déjeuner. Le brunch, c'est le matin. Si c'est l'après-midi, ça s'appelle un goûter. Maurice t'emmène à des goûters. Non, c'est des brunchs. Même si c'est l'après-midi, c'est l'esprit brunch, le brunch spirit. Le brunch spirit, c'est ça. Ouais. Ces jeunes Françaises qui vivent à Londres ont également pris goût, quand le printemps se pointe, d'organiser des pique-niques le dimanche midi sur les gazons anglais des sublimes jardins de Notting Hill. Tout le monde s'y retrouve, les maris, les enfants, les amis et la nounou, anglaise bien sûr, à qui on fait découvrir les joies du vin français. T'en veux ? Ah oui, génial. Ah oui, prends donc une verre. Pardon ? Prends une verre et tape-toi la bouteille si tu veux. Arrête. Non mais je veux qu'elle se sente à l'aise. Écoute, il y a aussi du salade. Tu peux rajouter de la sel et du moutarde si tu veux. Bon, tu nous laisses goûter le vin tranquillement s'il te plaît ? Ouais, je vous laisse goûter le vin. Ah ben oui, à Londres comme partout ailleurs, les Français ne parlent que français. C'est aux autres de s'adapter. D'autant que personne ne fait d'effort. Encore que, quand nos compatriotes exilés croisent Jean-Pierre Raffarin en visite officielle à Londres, il leur montre au moins l'exemple. Le oui a besoin du débat. Pour gagner, win the yes, need the no to win, against the no. La positive attitude. La positive attitude. La positive attitude. Ah ça, même à Londres, les raffarinades, elles valent leur pesant de cacahuètes. Mais bon, comme chacun sait, même ridicule, il faut conserver la positive attitude. Cela dit, il existe également un autre type de Frenchies qui fréquentent assidûment London City. Ce sont tous ceux qui viennent profiter le temps d'un week-end, des folies nocturnes qu'offre le Ministry of Sound, le ministère du son, incroyable et fabuleuse discothèque de la métropole londonienne. Alors, ces Français-là, c'est pareil, c'est très facile de les repérer dans les rues de Londres. Le teint blafard et l'œil vitreux, ils se couchent tard et dorment peu. Mais tous les soirs, c'est immuable, ils ont un whisky sur la table, les noctambules. Alors maintenant, pour être un peu plus complet sur les rapports qu'entretiennent les Français avec la ville de Londres, il faut évoquer ici, je crois, quelques souvenirs de voyages en Angleterre qu'ont effectués certains de nos célèbres compatriotes. Nous avons donc fabriqué un melting pot foutraque et loufoque, bien sûr, duré 2 minutes. On découvre cela juste après le jingle. Ça me fait rire, ça me fait rire. Ça les amuse, ça les amuse. Allô Londres ? Allô Londres ? You know what ? I'm happy. J'ai appris l'anglais comme vous à l'école quand on était petit. On a tous eu les mêmes cours débiles. Avec cette fameuse question existentielle à laquelle il fallait trouver absolument une réponse. Where is Brian ? On savait pas qui c'était ce Brian, on s'en foutait, mais il fallait le localiser dans la maison pour apprendre l'anglais. C'était ça, il fallait trouver les gens de la famille de Brian pour apprendre l'anglais. Qu'est-ce qui se passe ? Where is Jenny ? The sister of the Brian. Avec l'accent, il fallait répondre. Attention à l'accent, avec la langue. She is in the bathroom. Je sais pas comment... Allô Londres ? Allô Londres ? Madame, mes premiers mots seront pour vous dire combien nous sommes sensibles, Madame Giscard d'Estaing et moi-même, à la grâce de votre accueil et à la réception que les habitants de Londres nous ont réservé. Veuillez user avec parcimonie de mon nom. La reine d'Angleterre n'assiste pas à des spectacles empreints d'obscénité. Il y a donc ici quelques méprises. Qu'est-ce que c'est ? Oysters à la parisienne. Oui, ce sont des huîtres dans de la soupe au lait. Ah, oh, ça c'est étonnant. Oh là là. C'est délicieux. Delicious. Alors ça c'est le dessert. Ah non. Hein ? Non, ça c'est la viande. Ah. Avec la chantilly. Ah, ça c'est étonnant. Delicious. Allez, hop, il faut finir le plat maintenant. Tout le plat. Ici la radio de Londres. Radez, bombards et chansons. Radio Paris. Radio Paris. Radio Paris est allemand. Allô Londres ? Allô Londres ? Mama was queen of the mambo, papa was king of the Congo. Deep down in the jungle, I still banging my fist bongo. Every monkey like to be in my place instead of me, cause I'm the king of bongo, baby, I'm the king of bongo bong. I went to the big town where there is a lot of sound. From the jungle to the city, looking for a bigger crown. I play my boogie for the people of Big City, but they don't go crazy when I'm banging on my boogie. I'm the dirty sound. They say there is no place for little monkey in this town. Nobody likes to be in my place instead of me, cause nobody go crazy when I'm banging on my boogie. I'm the king of the jungle, king of the jungle. Hear me when I come, baby. King of the jungle, king of the jungle. Hear me when I come. Je ne t'aime plus, mon amour. Je ne t'aime plus, tous les jours. Je ne t'aime plus, mon amour. Je ne t'aime plus, tous les jours. Je ne t'aime plus. mon amour. Je ne t'aime plus, mon amour. Je ne t'aime plus, tous les jours. Je ne t'aime plus, mon amour. Je ne t'aime plus, tous les jours. Je ne t'aime plus, mon amour. Je ne t'aime plus, tous les jours. Je ne t'aime plus, mon amour. Je ne t'aime plus, tous les jours. Je ne t'aime plus, mon amour. J'ai habité Los Angeles et London. Bang bang, je ne t'aime plus. Chanson bilingue, reprise d'un tube de la Mano Negra, interprétée aujourd'hui par ce furieux londonien qu'est Robbie Williams, comme une évidence donc de l'amitié franco-britannique. Alors pour prolonger notre excursion londonienne, nous allons maintenant à 11h33 te révéler en exclusivité les coulisses de ce voyage secret à Londres qu'ont effectué mardi dernier Jean-Louis Debray et Alain Juppé. Tout a commencé dimanche dernier vers 23h. Alain Juppé venait de quitter l'Elysée après avoir raconté en détail à président Chirac cette intronisation en fanfare du ministre de l'Intérieur comme candidat officiel de l'UMP. C'est alors que président Chirac s'est aperçu combien Alain n'allait pas bien. Juppé souffre énormément de cette injustice, lui, l'éternel fils spirituel de président Chirac, qui doit se contenter désormais d'applaudir en regardant le train passer devant lui. C'est ainsi que lundi matin, président Chirac a chargé Jean-Louis Debray de prendre soin d'Alain Juppé. Jean-Louis a immédiatement compris le message et il a pensé qu'un petit voyage de 24 heures à Londres, préparé par ses soins, pourrait faire le plus grand bien à Juppé. Seulement voilà, Alain, lui, Londres, eh ben, ça ne le branche pas des masses. Mais au téléphone, Jean-Louis insiste et tente de convaincre Juppé. Mais puisque je te dis qu'elle baise les Anglais, c'est connu. Écoute, Alain, j'irai pas te raconter des salades. Là-bas, on aura calvé le petit doigt, je te dis. Non, fais-moi confiance, Alain. On va drôlement se marrer. Finalement, pourquoi pas, se dit Alain Juppé. Après tout, 24 heures à Londres, il ne risque pas grand-chose. Et puis, c'est vrai qu'en ce moment, il déprime. Ça lui changera les idées. C'est ainsi que mardi soir, nos deux compères débarquent à l'aéroport d'Heathrow. Mais premier problème, Jean-Louis Debray a de grosses difficultés à se faire comprendre en anglais par le chauffeur de taxi. Du coup, Juppé semble avoir des doutes. T'es sûr que tu parles anglais? Ah oui, parfaitement. Et tu l'as appris où l'anglais? Au lycée. Ah, parce que t'as été au lycée, toi? Jusqu'en 8e. Je suis bilingue en anglais. Bilingue. Je parle parfaitement. Ça commence bien. Soi-disant, Jean-Louis Debray doit s'occuper de tout ici à Londres, et voilà qu'il parle anglais comme une chèvre italienne. Alain Juppé est furax, mais bon, quoi qu'il en soit, ils finissent par rejoindre leur appartement prêté par un ami de Jean-Louis au 221 bis Baker Street. Après avoir bu quelques bières dans un pub à proximité de Trafalgar Square, Jean-Louis Debray annonce à Juppé qu'ils vont aller faire une petite virée nocturne. Ils grimpent alors dans un taxi et prennent la direction des faubourgs. Juppé et Debray viennent de descendre du taxi. Il fait froid et le brouillard est épais. Juppé n'est pas très rassuré. Le quartier est presque désert et il s'aperçoit très vite que Debray vient de le conduire dans les bas-fonds londoniens. Mais pourquoi faire quand tout à coup, devant une taverne crapoteuse, une femme interpelle Juppé. Allez, venez, Milan, vous asseoir à ma table. Il fait si froid dehors. Ici, c'est confortable. Laissez-vous faire, Milan, et prenez bien vos ailes. Je vous connais, Milan, vous ne m'avez jamais vu. Je ne suis qu'une fille du port, une ombre de la rue. Non mais Juppé n'y croit pas. Debray a pété les plombs ou quoi? Il vient tout simplement de le conduire chez des filles de joie. Debray lui fait alors remarquer qu'ici, ils sont incognito. Il n'y a pas de problème, Alain, détends-toi. Juppé, furax, décide immédiatement de regagner l'appartement. Hey, ouais, vite un taxi, hey. Je marche comme un abruti, hey. Oh, mes guibolles sont molles, hey. Avant de suivre Juppé dans son taxi, Debray a tout de même pris soin de glisser une carte avec l'adresse de leur appart à la jeune femme qu'ils viennent de croiser, au cas où. Après s'être couché, et sans échanger un seul mot, nos deux compères se sont endormis, Juppé maudissant Debray de lui faire perdre son temps ici à Londres. Mais voilà qu'à 3h du matin, ils sont tous les deux brutalement réveillés. un chauffeur de taxi se trouve sur le pas de la porte, accompagné de la jeune femme qu'ils ont quittée quelques heures plus tôt et qui a l'air très mal en point. Juppé cherche immédiatement à savoir, mais d'où sort-elle ? Du fond de la Tamise. Je roulais pas loin de la berge, par là, tout près du pont de Westminster, et là, elle était dans la flotte. Elle s'est noyée. Ça n'a pas été facile, patron, avec la flotte glacée. Et elle qui me tapait dessus. Pourquoi l'amenez-vous ici ? Parce que... j'ai trouvé ça sur elle. 221 bis Baker Street. C'est bien ici, c'est pas ? Mais vous tremblez, ma chère. Venez, laissez-moi vous enlever ces vêtements trempés. Jean-Louis Debray, chevaleresque, cherche donc à réconforter cette jeune londonienne frigorifiée et l'installe dans le salon sous une couverture écossaise. Cela dit, Juppé ordonne illico à Jean-Louis Debray d'aller se coucher car il ne lui fait pas du tout confiance. C'est donc lui, Alain, qui va veiller cette nuit sur cette jeune femme. Après lui avoir réchauffé les pieds et les mains, Alain tente de la rassurer. Il l'écoute paisiblement et visiblement, cela fonctionne très bien. Hold me close and hold me fast. The magic spell you cast. This is love your world. When you kiss me, heaven sighs. And though I close my eyes, I see love your world. En effet, cette jeune femme semble très heureuse d'être auprès d'Alain ce soir. Mais c'est à son tour de constater combien Alain Juppé semble terriblement mélancolique. Elle le questionne, elle s'interroge. C'est alors qu'Alain Juppé lui vide son sac. Il lui avoue qu'il est au bout du rouleau. Il a tout fait merde pour se faire pardonner auprès des Français. Mais y a rien à faire, c'est toujours la même chose. I'm just a daydreamer. I'm walking in the rain. Chasing after rainbows I may never find again. Life is much too beautiful to live it all alone. Oh, how much I need someone to call my very own. Yes, I'm just a daydreamer. Oui, Juppé lui raconte combien il est mal aimé, que c'est injuste, alors qu'il connaît quelqu'un, un traître en plus, qui est adoré, lui, par les militants de son parti politique. Paumé, ce soir, Juppé cherche à comprendre pourquoi. Pourquoi, d'après vous, certaines personnes obtiennent ce qu'elles veulent dans la vie ? Tout ce qu'elles touchent se transforme en or, alors que d'autres ont beau s'acharner, elles n'obtiennent rien. Je me demande si vous croyez à la chance. Moi, je crois à l'amour, celui qu'on donne à quelqu'un. Et pas seulement celui qu'on reçoit. Je crois que si on aime quelqu'un, même s'il ne vous aime pas, ça vaut toutes les chances. Les paroles de cette jeune femme résonnent tout à coup comme une prise de conscience chez Juppé. Voilà des mois, justement, qu'il laisse trop de place aux sentiments. À ses yeux, quelle connerie l'amour en politique. Il doit reprendre très vite du poil de la bête. Il devient tout à coup plus léger et dit à cette jeune femme qu'il ne l'oubliera pas. Si t'as besoin de quoi que ce soit, si je peux faire quelque chose pour toi, écris-moi, je t'enverrai avec des pistes de moi pour toi. De moi. Pour toi, vite écris-moi, je t'enverrai avec des pistes de moi pour toi. De retour à Paris mercredi midi, Juppé a croisé Sarkozy qui lui a fait remarquer qu'il était injoignable depuis hier. Ce à quoi Juppé lui a simplement répondu avec un léger sourire que cette nuit, il est allé se morfondre dans quelques pubs au cœur de Londres. Une nuit que j'étais à me morfondre dans quelques pubs anglais du cœur de Londres, parcourant l'amour monstre de Wells, me vint une vision dans l'eau de Sels. Que des médailles d'impérator font briller à sa taille le bronze et l'or. Le platine lui grave d'un cercle froid la marque des esclaves à chaque doigt. Jusques en haut des cuisses, elle est beautée, et c'est comme un calice à sa beauté. Elle ne porte rien d'autre qu'un peu d'essence de guerlain dans les cheveux. Initial Bébé, une chanson enregistrée à Londres par Serge Gainsbourg pendant l'été 1968. Cette année-là, Gainsbourg s'était installé à Chelsea dans l'appartement de Jane et non pas dans un vulgaire bed and breakfast. Initial Bébé, quoi. Alors, pour continuer notre balade londonienne au milieu du fog entre Kensington et Greenwich, il est temps maintenant à 11h44 de retrouver nos deux héros so British. Les flegmatiques Monique et Jean-Claude qui ont passé le week-end dernier dans la capitale britannique, figure-toi. En effet, Jean-Claude a profité de promotions exceptionnelles pour acheter des billets de train sur le net. Voilà, ça y est, ils peuvent donc partir à Londres et Monique est ravie, depuis qu'elle l'attendait. Ça y est, c'est le week-end, il est super week-end, c'est comme ça qu'on les aime. Faire le plein d'énergie, c'est comme ça, c'est le week-end. On veut des habillés pour finir nos week-ends et chanter ensemble sur ce thème. Allez! Jean-Claude est lui aussi très heureux de partir. Bien qu'il soit plein de méfiance envers les Anglais depuis l'attribution des JO de Paris 2012 à la ville de Londres. Alors, le voyage en Eurostar se passe pour le mieux, mais à l'arrivée, Jean-Claude ne peut s'empêcher de pester contre le nom de cette gare, Waterloo Station. Franchement, on n'a pas idée, ils se foutent de nous ces roast-beef. Seulement voilà, les gesticulations du Jean-Claude attirent l'attention d'un policeman, ce qui énerve immédiatement Jean-Claude. Quoi ? Pourquoi tu me regardes? Je suis pas Jack le Venteur, c'est bon, tu peux baisser ta garde. Stop ta méga, les gardes me barrent. Deux questions à la con, ils tournent en rond. Contrôle mes papiers. Et voilà, Jean-Claude qui a perdu ses papiers durant le voyage est alors conduit au poste et Monique se retrouve donc seule à Waterloo Station. Désespérée, Monique décide d'agir en faisant ce qui lui paraît le plus raisonnable pour le moment. Elle entre donc dans un pub et commande une bière. Elle déguste tranquillement sa bière quand tout à coup un gentleman, vêtu de tweed, s'approche d'elle et lui susurre à l'oreille. Today, I'm far away from that autumn morning. But it's almost as if I was there. I'm thinking of you. Where are you? Where are you? What are you doing? What are you doing? Do I still exist for you? I'm like a wave drawn by the moon. Slipping back on the sand, remembering the high tides, remembering the happiness and the sun shining over the sea a thousand years ago, or was it just last year? Monique n'en revient pas. Elle est en train de se faire chauffer par un gentleman en plein cœur de Londres. Elle se sent flattée car l'homme a beaucoup d'allure, mais sa réponse est sans équivoque. Le gentleman demande alors à Monique pourquoi elle ne veut pas perdre son temps avec lui. Monique lui explique rapidement que son Jean-Claude venait de se faire arrêter à Waterloo Station et qu'elle était triste parce que... Dans la prison de Londres, En apprenant que Jean-Claude est en prison, le gentleman anglais ne bronche pas. Flegmatique, il dit à Monique qu'il peut arranger l'affaire. Il a des connaissances haut placées. Mais pour cela, ils doivent se rendre à Buckingham Palace. Monique demande alors à cette élégante inconnue comment vont-ils aller à Buckingham ? Ce à quoi le gentleman lui répond qu'ils iront à bicyclette. We knew ourselves since we were small. There was Fernando, there was Paul, Sebastian, John, but above all, there was Paulette. We felt that we were taking wing as we tried to keep following her bicyclette. We were so much under a spell, we often lived a kind of hell as she took us along the dell. A bicyclette. C'est à bicyclette et accompagnée du mystérieux gentleman londonien que Monique arrive donc devant Buckingham Palace. Les guards et leurs bonnets à poils se mettent au garde-à-vous immédiatement devant le gentleman qui guide Monique. Et c'est normal, car il s'agit en réalité du prince Philippe lui-même, le mari d'Élisabeth, la reine d'Angleterre. Après avoir traversé plusieurs salons et des kilomètres de couloirs, le mystérieux gentleman laisse Monique seule dans une antichambre. Quelques minutes plus tard, le mari de la reine est de retour. La reine a consenti. Elle veut vous examiner. Soyez soumise, reconnaissante, modeste et brève. Je ferai mon devoir, Milord. Ainsi, la reine Élisabeth, émue par l'histoire de Monique, a fait libérer Jean-Claude. Dans la foulée, chose incroyable, Monique et Jean-Claude ont même été invités à déguster a cup of tea à Buckingham Palace avec la reine. The Queen. Monique et Jean-Claude se retrouvent donc devant la reine d'Angleterre. Monique esquisse une révérence et se bloque une vertèbre. Jean-Claude, quant à lui, se précipite pour remercier la reine de l'avoir fait libérer. You are the one for me, formidable. You are my love, very, very, very, véritable. Et je voudrais pouvoir un jour enfin te le dire, te l'écrire dans la langue de Shakespeare. My Daisy, Daisy, Daisy, désirable. Monique murmure discrètement à Jean-Claude qu'il ne doit pas tutoyer la reine. Ce à quoi Jean-Claude répond qu'il s'en fout parce qu'en anglais, le « vous », ça n'existe pas. La reine demande alors à notre couple de Frenchies leurs impressions sur Londres. Jean-Claude cherche à se la jouer et se fait alors lyrique. Charme de Londres. Dans les bas-fonds de la Tamise, on peut entendre les sirènes. Elles ont toujours leur voix d'enfant. L'Angleterre est une montagne de la mer. Londres est une île de l'Angleterre, entourée d'eau, d'herbe et de sang. La reine Élisabeth écoute Jean-Claude avec intérêt, mais explique tout de même qu'elle est étonnée, car elle écoute tous les dimanches matins The Panic at the Mansion Palace, et elle pensait que Jean-Claude était beaucoup plus drôle. Qu'à cela ne tienne, Jean-Claude, chaud bouillant après quelques verres de cherry, décide donc de mettre de l'ambiance à Buckingham. La reine d'Angleterre est un peu surprise de voir Jean-Claude, Monique et le prince Philippe faire la chenille sous les dorures du palais. Elle est chiffon, mais Jean-Claude lui dit de se détendre un peu, merde. Fais pas la tête, Élisabeth. Fais pas la tête, Élisabeth. La reine Élisabeth II ne fait pas la tête, mais reconduit tout le monde, tout de même ses hôtes, vers la sortie. Jean-Claude, il est vraiment ravi de son après-midi passé à Buckingham. Ah, Queen, I love the Queen, I love the Queen. Elizabeth, la la la la la. But the Prince Philip is jaloux. I love the Queen. Why? Pourquoi the Prince Philip is jaloux? I love the Queen. The Prince Philip is yellow because I am the father of the little prince, Charles. La, la, la. Ainsi, Jean-Claude est donc tombé amoureux de la reine. Monique, elle, se dit que tout de même, c'est drôle, cette rencontre avec le prince Philippe. À peu de choses près, elle sortait avec le prince consort. Voilà, fin de l'histoire, Jean-Claude dit à Monique qu'il est temps d'aller à la gare pour rentrer à Paris. Hé, hey, regarde ta montre, Monique, il est déjà 8h. Looking at my watch, it's almost 8 o'clock, and it's such a sunny day. Time to hear the news and check upon the world, then we must be on our way. Though it was a great weekend, the weatherman was not our friend. But as we go back to work, then the weather clears and the sun appears. Monday morning again, and the sun is shining in the sky. Oh, I hate to complain when we are free to enjoy the day. Why does the sun always stay away? And there's no sign of the rain. Now Monday's here again. Oh, Monday morning again, when we have to face the city's roar. Monday morning again, when we could walk on a sunny shore. Walking in the woods or swimming in the sea, trying to acquire a tan. Lying in the hay or climbing up a tree, part of every weekend plan. When we're far away from crowds, all we ever see are clouds. But as we go back to work, then the weather clears and the sun appears. Monday morning again, the sun is shining in the sky. Though I hate to complain, when we are free to enjoy the day. Why does the sun always stay away? And there's no sign of the rain. Now Monday's here again. Monday morning again, when we have to face the city's roar. Monday morning again, when we could walk on a sunny shore. Monday Morning Again, version british du Lundi au Soleil, chanté par Claude François, bien sûr, en 1977. Tu remarqueras qu'en anglais, le Lundi au Soleil, ça se traduit par « encore un lundi matin », encore dans le brouillard, sans doute. Alors, nous voici donc arrivés au terme de notre exploration sur les bords de la Tamise. De la cloche de Big Ben au brunch de Kensington, de Jean-Claude chez la reine à Jean-Pierre Raffarin chez John Bull, et du roast beef à la menthe à Limon de Tabloïd, nous avons tenté de te dresser un panorama subjectif et décalé, bien sûr, de ce que peut être London City. Alors, c'est quoi cette ville de Londres pour les Français? Eh bien, pour beaucoup d'entre nous, c'est essentiellement le souvenir de vacances linguistiques entre première cuite et première pelle. C'est également pour les Français une destination privilégiée pour l'escapade d'un week-end. Et puis, Londres, c'est aussi et surtout de plus en plus un bassin d'emploi qui attire chaque année des milliers de Frenchies. Mais bon, en même temps, ce sont des milliers de Britanniques qui viennent chez nous pour les vacances et c'est à coup de livres sterling qu'ils rachètent toutes les granges pourries de Normandie et de Bretagne où, bien entendu, ils ne sont pas trop dépaysés. Du mois de septembre au mois d'août, faudrait des bottes de caoutchouc pour patauger dans la gadoue, la gadoue, la gadoue, la gadoue. Les gouttes d'eau me dégoulinent dans le dos. Nous pataugeons dans la gadoue, la gadoue, la gadoue, la gadoue. Ouh, la gadoue, la gadoue. Vivons un peu sous ciel gris bleu d'amour et d'eau de pluie. Mettons en marche les essuie-glaces. Ça nous changera pas d'ici. Nous garderons nos parapluies. Nous retrouverons la gadoue, la gadoue, la gadoue. C'était la petite anglaise Petula Clark qui patauge dans la gadoue et qui en fout partout. Voilà, fin du 62e épisode, tout le monde descend, faites gaffe de ne rien avoir oublié, c'était C'est quoi Londres, revu et corrigé par la bande de furieux du Morgin Palace. On se retrouve dès la semaine prochaine à 11h en direct sur France Inter pour une nouvelle aventure total foutraque et archiloufoque. Panique au Morgin Palace est une émission coécrite les doigts dans la prise avec le professeur Mauduit, un ami précieux que je remercie chaleureusement, merci à toi Xavier. Au platine, au montage et à la réalisation, il y avait bien sûr H2M, Henri Marc Mutel, merci beaucoup aussi à toi Marco. Assisté aujourd'hui à la technique de Bertrand Durand et de Cédric Lalanne, merci beaucoup à vous deux. Pour toute la documentation, les recherches sonores et aussi plein d'autres choses, on dit merci beaucoup à Flora Bernard, merci Flora. Merci aussi à Clarisse Le Gardien, notre stagiaire, merci Clarisse. Pour les Scud et toutes ces trouvailles, on a l'inépuisable Thierry Dupin qu'on remercie également vivement. Merci aussi beaucoup à Olivier Lefayer pour toutes ses idées complémentaires. Merci enfin à Philippe Chalinier, documentaliste de l'INA, pour toutes ses recherches. Par ailleurs, je tiens sincèrement à vous dire merci à vous tous derrière le poste. Puisque vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter le dimanche matin, nous avons appris cette semaine que désormais vous êtes plus d'un million. Nous, on n'en revient toujours pas, mais on est très heureux de votre fidélité. Voilà, pour toutes les informations complémentaires, la panique au Morgin Palace possède un site internet sur franceinter.com où vous pourrez dans quelques minutes récupérer l'émission pour une balado-diffusion, autrement dit le podcast. La journée continue sur France Inter. Après le flash, vous retrouvez Chris pour son crumble. Allez, portez-vous bien, prenez soin de vous. Nous vous souhaitons une très belle année encore une fois. On se retrouve donc dimanche prochain en direct. Mais surtout, d'ici là, ne lâchez rien. Ciao. C'était une émission en direct, elle était un peu chaude. Mais je crois que c'était pas inintéressant. Au revoir et merci.